hémorroïdes. Seul avec mes couilles, c'est moi qui les décide. Chez moi, quand on veut faire, on ne parle pas. Écoute, est-ce que je dis, t'égare pas. Au sexe, c'est égare pas, t'engare pas. Plante dans la chose, ça déclare pas. Arrête de chanter, tu pétis. Arrête, mais que tu gardes pas, tu me trouves. Eh ben, no. Tu fais les dios. Je vais vider si haut. Que vous me verrez plus haut. Où est la belle fille, oh. Je suis bien dans mon rotillon. Trop d'ennemis, oh. Je vous fais comme bio. Fumer sa pilote, y'a tellement de fumée que je vois pas. Je crois que t'as craqué ta culotte. Depuis quand tu me parles comme ça? Quand t'as le culpé, tu m'as saoulé. Sans rigoler, de me voir couler. Bandit, bandit, ah, tu me réponds, t'as grandi. Grandi pour les mecs au tacteur du lundi. Au samedi, le dimanche, c'est bandit. Ou blambi, ouais, je me languis. Languis de bouger, je vous l'ai déjà dit. Tout ça, j'avais pas senti. Sentir, c'est pas ce que ça me dit. Samedi, eh ouais, mais non. Tu fais les dios. Je vais viser si haut, que vous me verrez plus haut. Où est la belle vie, oh. Je suis bien dans mon rotillon. Trop d'ennemis, oh.